L'escompté. Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, AMA, AMA, Axel M. Marie-Antoinette. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est une des pages les plus brûlantes de la Révolution française. À l'été 1791, Louis XVI, la reine et leurs enfants, après l'échec de la fuite à Varennes, ont été ramenés à Paris. La famille royale et la monarchie elle-même, menacées par la colère populaire, sont désormais en sursis. Ayant la Révolution en horreur, Marie-Antoinette place tout son espoir dans une intervention étrangère et dans l'homme qu'elle aime, le comte suédois Axel de Fersen. Il va tout tenter pour sauver la famille royale. Pendant des mois, Axel et Marie-Antoinette ne cessent de s'écrire et de s'aimer à distance. Une correspondance à haut risque, cryptée, fiévreuse, qui plus de 200 ans après commence enfin à livrer ses secrets. Révélant une Marie-Antoinette non seulement victime et martyre de la Révolution, mais aussi femme politique qui tenta d'infléchir le cours des événements, et Marie-Antoinette, femme amoureuse, une reine de France qui commit le pire des péchés, avoir un amant. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Évelyne Levert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Ancien Régime, auteur de plusieurs livres sur Marie-Antoinette. Votre dernier livre est le Dictionnaire amoureux des reines chez Plon, où vous rappelez le destin de plusieurs souveraines d'Europe. Quelle place y occupe Marie-Antoinette ? Eh bien, Marie-Antoinette a une entrée, qui est l'entrée Marie-Antoinette, mais il n'y a pas là toutes les reines d'Europe, il y en a certaines. Et puis on la retrouve à d'autres entrées, comme bal masqué, c'est-à-dire la rencontre avec Fersen. On la rencontre aussi à l'entrée jeu. Et elle ne joue pas là un rôle essentiel dans ce dictionnaire où la plupart des reines d'Europe apparaissent. Donc elle a une place, qui est une place qui est quand même limitée. Je lui ai consacré d'autres ouvrages, comme vous l'avez dit. Mais quelle est sa place particulière, justement, en tant que reine ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle est entrée dans la légende en gravissant les marches de l'échafaud. Et à partir de ce moment-là, il y a une légende de la reine martyre qui s'est créée, et on n'a pas pu dire sur elle tout ce que l'on aurait dit si elle était morte, par exemple, en accouchant de son dernier enfant avant la Révolution. Il y a la Révolution et la guillotine qui faussent complètement l'image de cette femme qui s'est révélée extrêmement courageuse et qui, de ce fait, apparaît comme la reine de la monarchie, la grande reine de France. Alors, il faut rappeler qu'elle s'est mariée en 1700... Elle est autrichienne, en 1770 avec le futur Louis XVI. Oui, elle est le gage d'une alliance, et c'est un ménage qui est, comme la plupart des ménages royaux, qui est mal assorti. Le mariage n'a pas été consommé immédiatement comme on aurait pu le souhaiter. Il a fallu attendre 7 ans pour qu'elle devienne enfin reine de France. Oui, elle n'est pas très heureuse avec son mari. L'épouse de Louis XVI, il n'y a pas entre eux d'amour, véritablement. Il y a une solide amitié qui se consolidera au fil des années, et pendant la Révolution, Marie-Antoinette est le soutien principal de son époux et elle joue auprès de lui un rôle politique. Elle a l'énergie qui fait défaut à Louis XVI, et ses vues sont des vues extrêmement réactionnaires, dans la mesure où elle veut à tout prix conserver la monarchie telle qu'elle était, et elle n'admet pas les modifications et les bouleversements, plus exactement, qu'apporte la Révolution, car les constituants, en 1789 à 1791, ont essayé d'établir une constitution, et cette constitution, et le roi et la reine la réprouvent. C'est la raison pour laquelle Louis XVI a décidé de partir dans une place forte à Montmédy, proche de la frontière avec les Pays-Bas autrichiens, et il veut se poser en arbitre entre ses sujets. C'est la raison qui le conduit vers ce nord-est de la France, et il sera arrêté avec sa famille le 21 juin 1791, et c'est là que commence, je pense, la fiction que nous évoquons ce soir. Fersen, qui est l'ami cher de la reine, lui est passé en Belgique, à Bruxelles, et c'est à Bruxelles qu'il a appris que la famille royale avait été arrêté à Varennes. Et il est évidemment au comble de l'inquiétude, et il y a une correspondance secrète qui s'établit entre la reine et lui, et cette correspondance est une correspondance qui est à la fois amoureuse, mais surtout politique. Merci Evelyne Levert, nous nous retrouverons dans une trentaine de minutes pour continuer cette discussion. Tout de suite, AMA, A-M-A, Axel M. Marie-Antoinette, un texte de Jean-Benoît Patricot, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Réalisation Hélène Biziot. Le 29 juin 1791. J'existe, mon bien-aimé, et c'est pour vous adorer que j'ai été inquiète de vous et que je vous plains de tout ce que vous souffrez de n'avoir point de nos nouvelles. Le ciel permettra que celle-ci vous arrive. Ne m'écrivez pas. Ce serait nous exposer et surtout, ne revenez ici sous aucun prétexte. On sait que c'est vous qui nous avez sortis d'ici. Tout serait perdu si vous paraissiez. Nous sommes gardés à vue jour et nuit. Cela m'est égal puisque vous n'êtes pas ici. Soyez tranquille. Il ne m'arrivera rien. L'Assemblée veut nous traiter avec douceur. Adieu, le plus aimé et le plus aimant des hommes. Calmez-vous si vous pouvez. Je ne pourrai plus vous écrire. Mais rien dans le monde ne peut m'empêcher de vous adorer jusqu'à la mort. Lorsque la reine Marie-Antoinette rédige cette missive le 29 juin 1791, elle est gardée à vue au palais des Tuileries. Le bien-aimé à qui elle s'adresse est le comte suédois Axel de Fersen. Avec son aide, le roi et la reine ont tenté le 20 juin de s'échapper de Paris, accompagnés de leur famille. Mais c'est un échec. Arrêté à Varennes, le couple royal a subi un retour humiliant vers la capitale. Désormais, la reine est surveillée en permanence et communiquer avec ceux qui, à l'extérieur, pourraient l'aider est devenu compliqué et dangereux. Mais pour atteindre Axel de Fersen, elle est prête à tout. Elle rédige son billet en utilisant un code complexe, polyalphabétique, que seul Fersen, possédant une table de déchiffrement et un mot-clé, pourra décrypter. Comment avoir la certitude qu'Axel recevra ce billet? À qui puis-je me fier dans ce palais, où les messagers d'hier sont peut-être aujourd'hui des ennemis? Je dois prendre le risque. Il le faut. Ces enragés veulent nous obliger à accepter leur constitution. Oh Seigneur, donnez-moi la force de soutenir mon époux, mes enfants, et guider le comte de Fersen. Qu'il obtienne des cours étrangères, qu'elles viennent à notre secours. Lui seul m'est fidèle. Le présent est si dur, et l'avenir, si incertain, chargé de menaces. Il me reste le passé, le temps de l'insouciance, comme il me semble loin. J'ai mal en y pensant. Et en même temps, c'est bon de se souvenir. Quand était-ce? Nous étions si jeunes, 18 ans, en janvier 1774, il me semble. Grand bal de l'opéra. Comme tout cela est loin. Mais les yeux d'Axel. Oh oui, je m'en souviens. les yeux d'Axel à travers les fentes de son masque ce soir-là. Beau masque, m'accorderiez-vous cette danse? Tel sera mon bon plaisir. Permettez. Je ne crois pas connaître ses yeux. Je suis à Paris depuis quelques jours à peine. Et d'où nous venez-vous? J'effectue mon grand tour. Qu'est-ce donc? Un voyage de plusieurs années que l'on entreprend pour parfaire ses connaissances. Et d'où êtes-vous parti? À mes 14 ans, j'ai quitté mon pays, la Suède. Vous êtes suédois? Avec un regard si sombre, presque noir. La famille de ma mère a des origines françaises. Mes yeux vous déplaisent-ils? Non point. Ils vous transpercent l'âme. Ah, c'est que les vôtres sont d'un bleu si clair. Je les dois à mes origines autrichiennes. Et donc, qu'avez-vous appris pendant ce grand tour? Que Londres est triste et austère, que l'Italie et ses opéras sont des avant-goûts du paradis, et que la jeunesse suisse jouit d'une grande liberté, mais qu'elle reste raisonnable. Et Paris? Quelques jours m'ont suffi pour goûter au parfum de la transgression. Et vous aimez? Quand je danse en si charmante compagnie, comment ne pas... Mais n'avez-vous pas l'impression que toute cette assemblée nous dévisage? Vraiment? C'est horrible, tous ces regards qui nous fixent. Ne le ressentez-vous point? J'y suis habituée. Je ne prête plus attention. Mais qui est... Mais qu'est-ce encore? Et pourquoi ces jeunes personnes tournent-elles autour de nous? Elles veulent m'entraîner vers ma loge. Mais pourquoi? Nous dansons, c'est tout. C'est déjà beaucoup. Je suis une femme mariée. Et mon beau-père nous a donné l'autorisation de paraître à ce bal. Mais mes dames de compagnie sont là pour veiller à ma réputation. Et pour l'amour du ciel, me direz-vous enfin qui vous êtes? La dauphine. Oh, je ne... Quel est votre nom, beau masque? Comte Hans Axel de Fersen, pour vous servir, votre Altesse. Nous nous reverrons. Il faut que je vous quitte. Nous avons trop discouru. Déjà, on jase de nouveau. Trois billets que j'ai tenté de faire sortir et encore aucune réponse d'Axel. Personne ne m'a rapporté qu'il aurait été pris lui aussi. Les enragés auraient été trop heureux de me le faire savoir. Alors, pourquoi ce silence? Je ne dois pas douter. N'ai-je pas eu assez de serments? Toutes les preuves d'amour que tu m'as données. En 1774, Marie-Antoinette était devenue reine. Ah, c'est une vieille connaissance, s'est-elle exclamée quand 4 ans plus tard, Axel de Fersen était revenu à Versailles. Le jeune comte suédois devient alors un habitué des réceptions, des soupers dans les petits cabinets de la reine. La réputation de l'Autrichienne n'était déjà pas très bonne. La présence presque quotidienne de ce nouveau favori n'a pas apaisé les ragots. En 1780, Axel de Fersen est parti combattre en Amérique, auprès de Lafayette. Il s'agissait pour lui de garder ses distances avec la reine, mais aussi de faire avancer sa carrière militaire. Il est revenu en France 3 ans plus tard, avec en tête le projet de prendre le commandement d'un célèbre régiment, le Royal Suédois. Il entre dans le cercle fermé des intimes de la reine. L'amour chaste de leur jeunesse prend alors un tour nouveau. Venez. Allons, venez. Ne préférez-vous pas rester à l'ombre de ces arbres? Non, il fait trop chaud et j'ai besoin de me rafraîchir. Mais qu'allez-vous faire dans cette brèche? Regardez par vous-même. Oh, une grotte? Tout en pierre? Et ce sol en mousse? Mais c'est... De la peluche? Rien n'est vrai ici, mais l'œil s'y laisse tromper. Asseyons-nous près de cette source rafraîchissante. Oh, je crois que je suis le plus heureux des hommes. Grâce à votre appui, j'ai obtenu les régiments que je convoitais. Je pourrais ainsi me partager entre le service de mon roi et le vôtre. Sauf si vous retournez en Angleterre chercher une riche héritière. J'ai abandonné ce projet. Il ne servait qu'à calmer mon père qui me trouve trop dispendieux. Il faudra bien vous marier un jour. Pas si... Si quoi? Si je me sais aimé d'une personne qui partage mon inclination pour elle... Même si cette personne ne pourra jamais vous appartenir totalement. Si son honneur et son rang l'en empêchent, oui, je lui serai toujours fidèle. Et si cette personne vous confie qu'elle vous aime véritablement de toute son âme? Alors je resterai libre. Nul lien conjugal. Juste le bonheur d'être à la seule personne à qui je voudrais appartenir. Vous ne serez à personne d'autre qu'elle? Au service de son amour, toute ma vie. Prenez ce sceau pour cacher de cire. Quelle inscription porte-t-il? Ce sont deux A entrelacés qui forment un M. A-M-A. Ama. En italien, cela veut dire « il aime ». Oh, Axel aime Marie-Antoinette. Oh, je... Pas un mot? Donnez-moi votre poignet que j'y dépose un baiser. Mon avant-bras n'était-il pas aussi doux? Je le baise aussi. Et mon bras? Aussi. Et mon épaule? Aussi. Et ma gorge? Aussi. Et ma bouche? Voilà presque un mois que nous avons été arrêtés à Varennes et ramenés ici. Il faut que je sois deux. Être moi-même. Mais aussi être hors de moi pour me surveiller au plus près. Ne montrer ni ma peur, ni mon épuisement. Tenter de conseiller sagement mon époux sur ce qu'il peut accepter et ce sur quoi il doit rester ferme et ne pas négocier. Savoir toujours où sont mes enfants. Et Axel. Où est-il? Croit-il que je lui tienne rigueur de notre échec? Je repense sans cesse au déroulement de notre fuite. À quel moment fut commise la première erreur? Peut-être à la genèse même. Ce soir de juin où Axel m'a rejoint secrètement aux Tuileries. La porte est-elle bien fermée? Oui. On peut encore entrer aux Tuileries grimées parmi les serviteurs. Oh, si on nous voyait. Les enragés seraient si contents de pouvoir m'accuser d'adultère pour se débarrasser de moi. Je me découvre tant détestée et méprisée. Vous, la plus douce, la plus aimante. Ainsi seulement le peuple de France pouvait vous connaître. Toute la journée, j'ai attendu votre venue. Il nous est interdit de sortir des Tuileries. Avez-vous des visites qui pourraient vous éclairer sur les intentions de vos geôliers? Aucune. Je passe mes journées à m'occuper des enfants. Certes, un monde fou passe par mes appartements, mais je ne sais qui sont ces gens. On vient me voir comme une bête curieuse. On me harangue sous mes fenêtres. Malgré cela, je me montre calme et respectueuse envers tous. Ils en sont fort surpris. Oh, ma tendre amie, je vais vous sortir de cet enfer. Comment? Et le roi, le voudra-t-il? Lui avez-vous parlé de mon projet? Je n'ai pas cessé. Mais il joue la carte de l'apaisement et participe à l'élaboration de la Constitution. Mais ne voit-il pas la situation? Il joue double jeu. Il fait savoir aux familles royales qu'il n'agit que contraint et forcé. Vous devez le savoir. Ni l'empereur d'Autriche, ni aucune autre famille gouvernante ne viendra à votre secours. Il vous faut fuir. Le roi a déjà refusé tant d'occasions. Hier, une chasse à laquelle il avait été autorisé à participer aurait pu lui permettre de s'enfuir vers le nord. Il ne vous aurait pas abandonné avec le dauphin. Il sait que cela serait vous condamner à mort. Alors, que proposez-vous? La frontière de l'Est. Une fuite pour vous tous. Je suis en contact avec le général en chef des troupes de la Meuse, de la Sarre et de la Moselle que nous retrouverons dans la place forte de Montmédy. Si le roi accepte, il est tellement indécis, si scrupuleux. Et la violence lui répugne tant. Je vous sortirai d'ici sans violence. Mais cela demande de prendre d'importantes dispositions matérielles. Et imposerait de débourser des sommes folles. Je m'occupe de tout. Il faut fuir. Les taux de la surveillance se resserrent. Plus le temps passe, plus cela vous sera difficile. Oh, Axel. Axel. Qu'allons-nous devenir? Je vais vous sauver, vous, votre époux et vos enfants. Mais il faut que vous réussissiez à convaincre le roi. Mes larmes s'en chargeront. Serrez-moi. Serrez-moi dans vos bras. Votre force me donne du courage. Venez, chère âme, venez. Lundi 20 juin 1791, toute la famille royale s'applique à ne rien laisser paraître de l'imminence de la fuite. Ne vous alarmez pas, tout ira bien. Mais tous ces gens qui dorment dans les couloirs, et le commandant de la garde nationale a promis sur sa vie que le roi ne s'échapperait pas. Il organise des tours de garde à n'en plus finir. Jamais nous ne parviendrons. J'ai tout préparé, tout minuté, les déguisements sont là. Ne pleurez plus, cela pourrait les alarmer. Vous avez raison. Je vais aller promener les enfants. Que tout soit comme chaque jour. Mais que Dieu fasse que ce soit le dernier. Il est 22h50 lorsqu'à la faveur de la nuit, Fersen, déguisé en cocher, procède lui-même à l'exfiltration par un escalier dérobé du dauphin, de sa sœur et de leur gouvernante. Il les fait monter dans une voiture de ville dans une rue à côté du Louvre. Pendant ce temps, le roi et la reine se plient à la traditionnelle cérémonie du coucher. Une fois tirés les rideaux autour du lit, le roi se relève et s'éclipse par un petit cabinet. Il se déguise en bourgeois. Il porte perruque sombre et chapeau rond. Il se faufile hors des Tuileries parmi ceux qui sont venus assister à son coucher. La reine, elle, après avoir congédié ses femmes de chambre, s'habille d'une robe simple et cache son visage avec le voile d'un grand chapeau noir, puis, sans bruit, tente de quitter ses appartements. Comme ces portes grincent, l'on eût été bien inspiré de les graisser. Personne. Je dois pouvoir y aller. Mon Dieu. Un garde national. Que fait-il là? Oh, je suis perdue. C'est la seule issue discrète. Oh. Et voilà qu'il y a des impatiences et se décide à bouger. Allons. La rue. Enfin. Libre. Retrouvons Axel. Est-ce par ici? Je ne sors jamais seule, je me laisse guider. Par où aller? Où diable est cette rue de l'échelle? Là? Peut-être cette silhouette près de la voiture. C'est lui. Axel! Monsieur de Fersen, me voici. Nous étions inquiets. Le roi voulait venir à votre rencontre. Je l'en ai dissuadé. Mais venez, montez et partons au plus vite. Vous ne montez pas avec nous? Ce soir, je suis cocher. À minuit et demi, avec plus d'une heure de retard, la voiture qui transporte le roi, la reine, leurs enfants, la sœur du roi et la gouvernante s'élance enfin dans les rues de Paris. La première épreuve est le franchissement de la barrière Saint-Martin. Par chance, l'un des gardes s'est marié ce jour-là. Et dans l'allégresse de la fête, la voiture passe sans difficulté. Dans la campagne proche, on change de véhicule. La route sera longue. Fersen a fait construire une large berline verte aux roues jaunes. Le temps presse. La famille royale prend place à l'intérieur. La berline part à grande vitesse jusqu'au premier relais à Bondy. Il est 2h30 du matin. Dans la cour du relais, la reine a rejoint discrètement Fersen. Je vais essayer de fléchir le roi. Non, c'est inutile. Le roi était très clair. Il souhaite que nous nous séparions ici à Bondy. Mais tout danger n'est pas encore écarté. Le roi se sent rassuré. Nous avons réussi l'impensable, sortir des Tuileries et de Paris. Le reste ne sera que de la route simple. Je n'aime pas vous savoir loin de moi. J'ai supplié Sa Majesté de me laisser vous accompagner jusqu'à Montmédy. Et cependant, je n'ai jamais vu le roi donner d'ordre aussi catégorique. Il me faut gagner la place forte par une autre route. Croyez-vous qu'il se doute de... Qu'importe. Il faut que vous repreniez la route sans perdre de temps. Axel... Vite. Tout retard vous met en danger. Nous nous reverrons demain à Montmédy. Que Dieu nous y en sa sainte garde. La berline reprend la route. Fersen reste un instant à la regarder, partagé entre l'inquiétude et l'espoir. Deux jours plus tard, il apprend la nouvelle. La famille royale a été reconnue. Ils n'ont pas dépassé Varennes et le retour à Paris a été une épreuve humiliante. Fersen est au désespoir, si seulement il était resté avec eux. Mais tout n'est pas perdu, puisque le couple royal vit encore. Ce sera désormais sa seule mission, les sauver. Malgré l'étroite surveillance dont elle fait l'objet, Marie-Antoinette parvient à reprendre une correspondance chiffrée avec Fersen, qui a regagné Bruxelles où se trouvent de nombreux réfugiés. Il est reçu par la gouvernante des Pays-Bas autrichiens, la sœur de Marie-Antoinette. Il attend une réaction de l'empereur. Il faut rassembler pour essayer d'agir. 4 juillet 1791. Le roi pense que la force ouverte serait un danger incalculable pour lui et sa famille, mais même pour tous les Français qui ne pensent pas dans le sens de cette révolution. Je me porte bien. Ne soyez pas inquiets de moi. Adieu, le plus aimé et le plus aimant des hommes. Je vous embrasse de tout mon cœur. Me hâter de coder ce billet. S'ils apprennent que je communique avec l'étranger, c'en sera fait de moi. Nous ne pourrons être sauvés que par une aide extérieure. Je dois aussi continuer de me rapprocher des modérés, qui ont eu tant de mal à faire croire à un enlèvement du roi plutôt qu'à une fuite volontaire. Gagner du temps. Les endormir pour mieux les déjouer après. Quel bonheur si je puis un jour redevenir assez puissante pour prouver à tous ces gueux que je n'étais pas leur dupe. Un jour, reprendre ma place, celle donnée par Dieu et que les hommes ne peuvent défaire. Mais qui est là? Ce n'est que mon reflet dans le miroir. Mais je ne me reconnais pas. Est-ce moi? Cette fragile silhouette? Moi? Ce visage de craie taillé au couteau? Mes cheveux ont blanchi en si peu de temps. Est-ce toi? Marie-Antoinette d'Autriche? Reine de France et de Navarre? Ou ton ombre? Aix-la-Chapelle, 30 juin 1791. Je pars demain pour Bruxelles, et de là à Vienne, pour négocier et tâcher de réunir toutes les puissances. De là, je reviens à Bruxelles. Je me porte bien et ne vis que pour vous servir. Dites-moi si vous voulez que l'on agisse pour vous. Vous avez les faveurs du roi de Suède. Voici un mot de lui. Je vous prie, Votre Majesté, de ne pas douter de la part sensible que nous prenons tous à votre malheur. Vos amis ne vous abandonneront pas. Ne souffrez surtout pas qu'on avilisse en votre personne la dignité royale, et les rois viendront à votre secours. Le 14 septembre 1791, le roi jure fidélité à la Constitution. Il est désormais nommé le roi des Français. Ce n'est plus un souverain de droit divin, mais le représentant du peuple. Les députés veulent donc conserver le roi. Mais la reine ne voit dans cette constitution qu'un tissu d'absurdités impraticables. Dans le plus grand secret, elle appelle à l'aide son frère, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, pour qu'il sauve sa famille des griffes de cette race de tigres qui inonde le royaume. Elle n'a plus confiance qu'en son frère et en Axel de Fersen. À lui seul, elle peut confier son état véritable. Quelquefois, je ne m'entends pas moi-même et je suis obligée de réfléchir pour voir si c'est bien moi qui parle. Je n'ai pas un moment à moi entre les personnes qu'il faut voir, les écritures et le temps que je suis avec mes enfants. Cette dernière occupation, qui n'est pas la moindre, fait mon seul bonheur. Et quand je suis bien triste, je prends mon petit garçon dans les bras. Je l'embrasse de tout mon cœur. Et cela me console dans le moment. C'est à croire que tout ce que je tente est voué à l'échec. J'ai l'impression de me battre contre le vent. Rien ne prend forme. Déjà février 1792, et la situation empire au lieu de s'améliorer. À quoi bon envoyer ces longs mémoires à la reine pour l'aider à écrire des missives demandant de l'aide aux souverains alliés alors que je sais pertinemment qu'ils ne feront rien? C'est bien la peine d'être la sœur de l'empereur d'Autriche. Il ne lèvera pas le petit doigt pour lui venir en aide. Rien sans rien, telle est sa philosophie. Qu'est-ce qu'il espère? Un morceau de territoire? Une compensation financière? Mais le roi et la reine sont sans moyens. Alors, qui plus est, l'Angleterre reste neutre. Quant à la tsarine, elle a d'autres chats à fouetter. Je vois clair dans leurs atermoiements. Ils attendent que la France s'effondre pour la démembrer. Et le roi et la reine qui ne font rien pour m'aider. Au lieu de cela, Louis XVI accepte la Constitution et approuve le retour des émigrés sous menace que leurs biens leur soient confisqués. Alors comment puis-je convaincre ceux qui pourraient le sauver s'ils donnent des gages aux révolutionnaires? Il faut que je parle au roi. Et surtout, il faut que je la voie. Imaginez sa souffrance me torture. J'irai donc, même si elle s'y oppose. En février 1792, muni d'un faux passeport, se faisant passer pour un nouveau ministre suédois auprès de la reine du Portugal, Fersen parvient à pénétrer dans les Tuileries pour ce qui sera sa dernière rencontre avec la reine. Axel. Majesté. Oh, vous voir, vous toucher. Je ne l'espérais plus, serrez-moi. Personne ne risque cette pièce est cachée derrière la bibliothèque. On ne vous surveille pas? Depuis que le roi a donné quelques gages, nous jouissons d'un peu de liberté. Oh, mais très restreinte. Ces gages vous causent tant de tort. Je sais. Les refuser eût été plus noble. Mais c'était impossible dans les circonstances où nous sommes. De l'étranger, tout cela est mal perçu. Je suis venu pour... Pourquoi avez-vous pris le risque de venir avec de faux papiers? Cette perruque, ce déguisement? On sait la part que vous avez prise dans notre fuite. Le roi de Suède voulait mettre sur pied une nouvelle fuite pour le roi, mais cela vous eût séparé de lui. Si vous nous séparez, vous me condamnez. Je ne vis qu'à cause de sa protection. De toute façon, il aurait refusé. Il a promis qu'il resterait. Que vaut un serment fait dans ces conditions à des enragés? Il est ainsi, il tiendra parole. Je suis là pour comprendre les dispositions que prend le roi. Vous savez, Axel, son souhait le plus cher est qu'on le laisse faire. Il considère qu'il est trop tard pour s'enfuir. Quand le verrai-je? Demain. Vous pourrez passer la nuit ici. J'ai des messages à lui transmettre. Est-ce tout? Non, il serait souhaitable que je reparte avec des courriers. Nous verrons cela. Profitons de l'instant. Tous ces événements dont un point si particulier au présent. Vous êtes là, devant moi. Le futur sera à nouveau grandiose, je vous le promets. L'avenir. Ce mot n'a plus de sens. Il faut y croire. Pour mes enfants, pour mon époux, pour nous. Souvenez-vous, même quand le doute s'invite, Amma, Axel aime Marie-Antoinette. Le 20 avril 1792, l'Assemblée déclare la guerre à l'empereur d'Autriche. Il est temps d'écraser les contre-révolutionnaires et les nations qui les soutiennent. L'offensive s'engage mal. L'empereur et le roi de Prusse, forts de leur première victoire, décident de marcher sur Paris. Mais leur progression est lente et la ferveur du peuple se soulève pour lutter contre l'envahisseur. À Paris, le roi accepte de dissoudre sa garde rapprochée jugée trop royaliste. Mais il met son veto à la déportation des prêtres réfractaires et à la création d'un camp de gardes nationaux pour protéger la capitale. La reine le pousse à rester ferme. Il faut tenir jusqu'à ce que les armées étrangères viennent les libérer. Mais il est peut-être déjà trop tard. Le 20 juin 1792, date anniversaire de la fuite de Varennes, les vétos du roi provoquent un mouvement de foule spontané qui naît dans les faubourgs et se dirige vers l'Assemblée. Ne pouvant y pénétrer, l'immense cortège, armé de piques et de haches, se retrouve dans les jardins des Tuileries. Le palais est là, tout proche. Ceux que le peuple appelle le roi Veto et la mère de tous les vices, ce monstre femelle, l'Autrichienne, s'y cachent et ce ne sont pas quelques grilles qui pourront les protéger de la colère du peuple. J'existe encore, mais c'est un miracle. La journée du vin a été affreuse. Ce n'est plus à moi qu'on en veut le plus, c'est à la vie même de mon mari. Il ne s'en cache plus. Il a montré une fermeté et une force qui en ont imposé pour le moment. Il est certain que la force ne fera que du mal. Il faut céder à l'orage. Nous n'aurions pas le temps d'être secourus. De Bruxelles, Fersen tente de mobiliser toutes les énergies susceptibles de porter secours au couple royal. Il propose au duc de Brunswick, commandant en chef de l'armée prussienne, de proclamer un manifeste qui devrait interdire toutes actions contre la vie des souverains. Dans le cas où cette interdiction ne serait pas respectée, le manifeste promet une vengeance exemplaire. La reine est persuadée ainsi que sa délivrance est proche. Le 11 juillet 1792, l'Assemblée ne vient-elle pas de déclarer la patrie en danger face à la progression des armées autrichiennes et prussiennes ? Notre position est affreuse. Mais ne vous inquiétez pas trop. Je sens du courage et j'ai quelque chose en moi qui me dit que nous serons bientôt heureux et sauvés. Cette idée me soutient. Quand nous reverrons-nous ? Mais lorsque, début août, les Parisiens découvrent le manifeste de Brunswick, la réaction n'est pas celle escomptée. Ils déclenchent aussitôt la fureur populaire et les Tuileries sont prises d'assaut. Le roi et sa famille se réfugient à l'Assemblée, qui en profite pour décréter la déchéance du pouvoir exécutif du roi. Puis, ils sont incarcérés à la prison du Temple. Après un procès qui conclut à la culpabilité du roi, pour conspiration contre la liberté publique et la sûreté générale de l'État, Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793. C'est ensuite au tour de la reine d'être jugée. Oh, si j'avais pu voir Axel une dernière fois. Mais tout est fini. Ils ont tué mon mari. Ils vont me... Qu'importe ce procès ridicule à charge, il leur fallait une sentence rapide. Mon corps est déjà mort. Je ne me nourris plus et je perds des flots de sang. Mais je resterai encore debout quand ils me conduiront à l'échafaud. Le plus insoutenable, c'est la séparation d'avec mon fils. Pauvre enfant, que comprend-il à tout cela ? La douleur de penser à lui est si forte que la mort sera une délivrance. Ils verront comment meurent les reines de France. Personne ne se soucie plus de moi. L'empereur ne me réclamera pas. Les émigrés seront soulagés de me voir disparaître. Il n'est qu'une personne pour me pleurer. Axel. Axel. Que son amour me fut doux. Lui seul m'aura donné la force de vivre. Le 16 octobre 1793, la reine est condamnée à mort pour haute trahison. Le jour même, la dernière souveraine à avoir porté le titre de reine de France est exécutée, place de la Révolution. J'ai perdu tout ce que j'avais au monde. Celle qui faisait mon bonheur, celle pour laquelle je vivais, celle pour qui j'aurais donné 1000 fois ma vie n'existe plus. Je vais demeurer dans ma Suède natale. De toute façon, Paris m'est interdit. Mais je fais venir de là-bas toutes sortes de reliques et souvenirs d'elle. Elle aurait continué de m'écrire jusqu'à la fin, me dit-on. Hélas, les messagers ont gardé ses missives et m'ont ainsi privé de ses derniers mots. Mais aujourd'hui, jour béni, me parvient un bref billet que la reine avait adressé à un chevalier. Il est accompagné d'un fragment de carte. Quand vous serez en lieu de sûreté, je voudrais bien que vous puissiez donner de mes nouvelles à mon grand ami. Grand ami ? Oh, amie si douce à mon cœur, vous ne cachiez plus les sentiments qui nous unissaient après la mort de votre époux. À mon grand ami, qui est venu l'année dernière me voir. Oh, mon amour, si j'avais su que ma visite aux Tuileries était la dernière, si j'avais su. Je ne sais où il est. Je n'ose pas écrire, mais voilà l'empreinte de ma devise. Sur ce morceau de carte, cette devise que nous avions conçue ensemble, mon adoré, il n'en reste que l'empreinte. Mais je m'en souviens si bien que je peux la déchiffrer dans son ombre. Tutto a te mi guida. Tout me conduit vers toi. Mandé, en l'envoyant, que la personne à qui elle appartient sente que jamais elle n'a été plus vraie. M.A. Axel M. Marie-Antoinette de Jean-Benoît Patricot avec Marie-Antoinette Anna Servinka et Axel de Fersen, Stéphane Varupen, tous deux de la Comédie Française. Prise de son, montage et mixage, Valérie Lavalard et Arnaud Chapat. Réalisation, Hélène Bizio. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion sur Marie-Antoinette et Axel de Fersen avec mon invité Evelyne Levert. It's dark but just a game, that's what he would say to me. The faces aren't the same, but their stories all end tragically. Sweet, what would have a baby? And that's the price of fame, a deal as old as time. Just a Game de Lana Del Rey sur France Inter. Autant en emporte l'histoire est réalisé par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Florent Layani. Evelyne Levert, la plupart des lettres que nous avons entendues dans la voix de Marie-Antoinette et de Fersen sont des lettres authentiques, écrites entre 1791 et 1792, des lettres chiffrées. Depuis combien de temps et de quelle manière a-t-on réussi à les déchiffrer? Alors écoutez, d'abord on n'a entendu que quelques phrases. De ces lettres. Et il y en a d'autres qui étaient inventées. Mais enfin, il y en avait de véritables. Alors, il se trouve que la reine et Fersen ont entretenu une correspondance importante, et beaucoup de lettres ont été détruites. Néanmoins, ça se passe à la fin du 19e siècle. Il y a un arrière-neveu de Fersen, le baron de Klickowström, qui a publié deux volumes très importants dans lesquels il y avait la correspondance de Fersen et 32 lettres de Marie-Antoinette. Alors, c'était très important sur le plan politique parce qu'on se rendait compte du jeu réel qu'avaient mené la reine et Louis XVI. On voyait bien ce double jeu. Et puis, alors, il y avait des passages dans le livre qui a été publié qui étaient en pointillés. Les journalistes à l'époque ont demandé, évidemment, à voir les originaux pour savoir ce qu'il y avait à la place des pointillés. Le baron de Klickowström a refusé. Et on a insisté, et il a dit « J'ai tout détruit. » Et on n'en parlera plus. Alors, tout le monde a été déçu, on s'est dit que forcément, il y avait eu une idylle, ça on le savait déjà, parce que quand même il y avait certains mémorialistes qui avaient fait des allusions à une liaison sentimentale ou peut-être plus entre la reine et le comte suédois, mais enfin, là, on touchait quelque chose de beaucoup plus important. Immédiatement, on a pris fait et cause les royalistes pour défendre la vertu de la reine, parce que les reines n'ont pas le droit d'avoir des amants, étant donné qu'elles portent la dynastie. Ouais. Une reine doit être insoupçonnable. Et les royalistes qui, depuis que Marie-Antoinette était morte en martyr, les royalistes ont soutenu la vertu irréprochable de la reine, parce que l'accusé d'avoir eu un amant, c'était l'accusé d'avoir commis un crime contre la monarchie. Alors on a cru que ces lettres étaient perdues. Puis en 1982, les héritiers de ce monsieur Klickowström ont vu qu'ils avaient ces lettres et ils les ont vendues à Londres, chez Christie's. Et là, les archives nationales de France ont acheté ces lettres. J'étais une des premières à les avoir entre les mains. C'est bouleversant, ça. C'était très, très émouvant, vous imaginez d'ailleurs. Et on voyait, alors là, c'était plus des pointillés, mais c'était des passages entièrement raturés, sous lesquels on ne pouvait absolument rien lire. Bon. Il y avait quand même une lettre qui avait échappé à l'autodafé, qui disait « Je puis vous dire que je vous aime et que je n'ai même le temps que de cela. » Et puis, bon, d'autres choses. Donc, on se doutait bien que c'était des passages. Un jour, aux Archives nationales, on a fait venir un spécialiste du déchiffrage par ordinateur. J'ai été appelée comme spécialiste pour lire ce qu'il y avait sous les ratures. Et on a vu apparaître le texte dans différentes couleurs et impossible de lire, et je me souviens, c'était un Suisse qui m'avait dit « Madame, ça, c'est l'amour bon. !» Alors, récemment, il y a une équipe qui a recherché, avec des procédés qui sont des procédés d'ordre chimique, qui arrivent à lire sous ces ratures, en voyant, parce qu'il y a eu plusieurs encres, il y avait l'encre de Fersen, une autre encre, peut-être c'est Fersen qui a fait ces ratures, ce qui serait étonnant, ou mais peut-être ce sont ses héritiers. Donc, à ce moment-là, eh bien, on a déchiffré quelques phrases, et en particulier une phrase dans laquelle elle lui dit qu'elle l'adore. Et vraiment, ce sont des cris d'amour. Alors, c'est une liaison qui a véritablement existé entre la reine et Fersen. Personnellement, je crois que la reine a aimé l'homme et ce qu'il représentait, c'était à la fois son chevalier servant, peut-être son amant. On peut le souhaiter, puisque vu que son mari, elle n'a pas l'air très amoureux d'elle. On ne sait pas. Et on ne trouvera jamais. C'est leur intimité. Leur intimité, ça il faut leur laisser, si vous voulez, leur secret. Et je pense que lui, il aimait plus la reine que la femme. D'ailleurs, il avait des maîtresses, et il y en a une qui a joué quand même un rôle important dans sa vie pendant la Révolution. Elle s'appelle Éléonore Sullivan. Et lorsque Fersen écrit à sa sœur, il parle de Éléonore E.L. et de la reine L. E-2-L-E. Et sa sœur lui dit de ne pas s'afficher avec Éléonore. Et elle lui dit dans une lettre, ça serait la pire chose que pourrait ressentir elle. Eudesel. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Donc Marie-Antoinette ignore que Fersen a une liaison, alors qui est une liaison, alors là c'est très très clair, et la dame Éléonore a un amant, qui est un nabab, qui s'appelle Crawford, et ils font faire ménage à trois pendant un bon moment. Après la mort de la reine, d'ailleurs il dit dans son journal, jamais Éléonore ne la remplacera pour moi. Donc Axel de Fersen n'a pas et puis il a eu tenu d'autres sa maîtresse. Promesse, oui c'est ça. Oui, voilà, mais il est fidèle à la reine, il est fidèle sentimentalement à la reine, et il est fidèle à ce qu'elle représente en tant que souveraine. Et d'ailleurs dans son journal, au fil des mois et des années, il va pleurer sur le sort de Marie-Antoinette. Et il y a véritablement là un amour réel. Et concrètement, comment faisait-il pour écrire ses lettres? Est-ce qu'on a une idée de la manière dont il l'écrivait, enfin le chiffrement, et puis aussi comment ils arrivaient à se faire passer les lettres? Parce qu'il était à Bruxelles, elle était au Palais des Tuileries, plus ou moins enfermée. Elle est quand même très surveillée aux Tuileries. Elle n'est pas encore prisonnière réellement. Alors, il y a des personnes, en particulier le monsieur de Jargeil, qui est le mari d'une de ses femmes de chambre, qui fait passer les lettres, et il y a tout un circuit d'un côté comme de l'autre. Très complexe, on fait passer les lettres dans des boîtes de chocolat, on fait passer les lettres dans des rubans de chapeau, etc., etc. Et les lettres sont acheminées, mais quelquefois elles arrivent avec beaucoup de retard. Si bien que lorsque Fersen est venu en janvier 92, et en février 92, il ne comprenait plus quelle était l'attitude de la reine, qui, il faut le dire, en même temps, échange une correspondance avec Barnave, qui est un révolutionnaire modéré, et qui lui dit qu'elle doit être la reine telle que la Constitution, que le roi a fini par accepter parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, elle doit être la reine du nouveau régime. Oui, là vous touchez du doigt la question du double jeu de Marie-Antoinette. Donc, est-ce exactement que c'est quelque chose qu'elle a fait sciemment, c'est-à-dire d'un côté absolument soutenir les modérés en apparence, et de l'autre en fait attendre une intervention armée des puissances voilà étrangères. Alors, elle a, c'est quelque chose qu'elle voulait, et c'était pas quelque chose qu'elle faisait en accord avec le roi. Elle était plus royaliste que le roi. Elle est plus énergique que le roi, mais en réalité, ils veulent au début simplement la pression. Il voudrait une sorte de congrès des puissances étrangères pour les soutenir. Et puis, lorsque la guerre est déclarée, alors là, c'est très clair, elle souhaite le succès des armées étrangères qui les rétabliraient dans leur pouvoir de monarque traditionnel. Et c'est là que, si vous voulez, il y a deux logiques qui s'opposent, celle de la monarchie absolue et celle de la révolution. Et ça va aboutir à l'effondrement de la monarchie après le manifeste de Brunswick. Voilà. Et donc, Marie-Antoinette sera donc condamnée à mort le 16 octobre 1793 pour haute trahison et exécutée le jour même. Juste une dernière petite question. Sans en avoir la preuve. On n'a aucune preuve contre elle. Oui. Une parodie de procès. Est-ce qu'il est possible d'imaginer, Evin Levert, que Fersen serait le père du petit Louis XVII? Alors, il y a des personnes qui l'ont dit. C'est peu vraisemblable. Merci Evelyne Levert. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Dictionnaire amoureux des reines chez Plon et également de Marie-Antoinette, la dernière reine dans la collection Gallimard Découverte. Et vous avez dirigé également... Et surtout chez Fayard. Deux biographies chez Fayard, excusez-moi. Oui, bien sûr. Et vous avez dirigé l'édition de la correspondance de Marie-Antoinette également aux éditions Talendier. Voilà, c'est la fin d'Autant en emporte l'histoire pour ce soir. C'était une nouvelle diffusion. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster, sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission.